بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة التكوير في المسألة 15 بعد 200 215 مسألة. يقوله تعالى إنه لقول رسول كريم. C'est certes la parole d'un noble messager. يعني جبريل عليه السلام. Verset 19. قال المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر هذه الايه يتوهم منه الجاهل ان القران كلام جبريل مع ان الايه القرانيه مصرحه بكثره بانه كلام الله كقوله واجره حتى يسمع كلام الله وكقوله كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Donc l'apparence de ce verset pourrait laisser croire à l'ignorant que le Coran est la parole de Jibril. Alors qu'il y a beaucoup de versets clairs qui montrent en toute, de façon limpide, que le Coran c'est la parole d'Allah Azzawajal. Comme dans le sens où il dit, et abrite-le, c'est-à-dire le mushrik, afin qu'il écoute la parole d'Allah. Surat Tauba, verset 6. Et ça part dans le sens où il dit, un livre qui a été rendu parfait, dont les versets ont été rendus parfaits, puis détaillés de la part d'un sage et d'un parfaitement informé. Sourate Hud, verset 1. قال والجواب واضح من نفس الآيات لأن الإيهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول. Donc la réponse elle est claire en elle-même, dans le même verset. Car cette fausse impression que l'on pourrait avoir du fait qu'il est dit, c'est une parole, cela a été par la suite repoussé, c'est-à-dire cette fausse impression a été repoussée, par le fait de citer un messager, un rasoul. Ça vient d'un messager. Les noyadoulou ala an al-kalam li ghayrihi, ce qui prouve que la parole vient de quelqu'un d'autre. Un messager, quand on t'envoie un messager, c'est pour qu'il t'envoie la parole de quelqu'un d'autre. Lakinna ursila bitablirihi. Fa ma'na qawlihi laqawlu rasoulin, ay tablirihu amman arsalahu min ghayri ziyaratin wala nuqs. Voilà Nox. Donc c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire qu'il a été envoyé pour le retransmettre, cette parole-là, pour la retransmettre. Donc là, le sens de la parole, dans le sens où elle a dit la parole d'un messager, c'est-à-dire la retransmission venant de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire celui qui a envoyé ce messager, c'est-à-dire Allah Azzawajal, sans qu'il n'y ait ni ajout ni réduction dans cette parole. C'est-à-dire le messager va t'apporter la parole d'Allah Azzawajal complète et fidèlement. هذا والجواب عن هذه الآية والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك